Le son d'abord, tu pètes la forme dans le club. C'est le feu. Allez, jump, jump, jump, jump. Gros, évite les comparaisons. Je ne vis que pour le son. Tu ressens la passion, le flow d'un mauvais garçon. Le regard sombre, heureux car je donne des leçons aux jeunes MC qui même me suivent. Sans pression, je fais la diff. Inspiration maladif. Eh, c'est sans surprise que je suis tout terrain. Drôle de terrien, sans qu'une terrien. J'enchaîne les coups de rein, rein, rein, rein, go. Ça fuse dans tous les sens. Génie de naissance, viens dans la danse. Ce soir par confinement, vas-y lâche-toi. Lève tes bras dans le ciel, oublie tes misères, resserre une bière. Le son d'un fort, tu pètes la forme dans le club. C'est le feu. Allez jump, jump, jump, jump. Ce soir c'est le feu. Allez jump, jump, jump, jump. Gros, 1, 2, 3, vers c'est parti. Ce soir t'enflammes la piste. Tu mélanges vodka, whisky. Car t'aimes le risque. T'es plein mais tellement seul. T'es bien extrêmement chum. Pas de danse approximatif. T'es le roi du club. Dans l'euphorie, tu pousses des cris. Mais tu t'en fous. Tu n'auras plus de souvenirs. Et tu vois flou. Tu titubes grave. Chaque gorgée met une paf, paf, paf, paf. Oh, t'es perdu dans le néant. Le temps n'existe plus. Autour ça joue les riches. Mais ça fume des tubes. Arraché fin de soirée. Tu repars chez toi. Mais au fond tu le sais. Que ce soir tu remets ça. Le son d'un fort, tu pètes la forme dans le club. C'est le fou.